Conlambi Mythic Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. Signage qu'enveloppe nous, nous la vie semblait. On vend d'où c'est caché, nous c'est nous l'amour semblait. On signage qu'enveloppe nous, nous la vie semblait. Tes yeux qui s'ouvrent, ils se réveillent. Premier regard, ils me retiennent. Nuance de verre. Qui m'apaise et anime mes pensées, et nos sourires nous illuminent. De cet instant, ils se souviennent. Nuance de gris se dévoile pour s'enflammer. C'est nous l'amour semblé, au tignage qu'enveloppe nous. Nous la vie semblait, on vend d'où se cache et nous. Yel et la famille, fréquence Paris Pluriel 106.3 sur la bande FM parisienne et sur internet au rfpp.net. Émission Conlambi, comme chaque dimanche à partir de 16h. Aujourd'hui, c'est Musique Jeudi, le rendez-vous des musiques actuelles de la Caraïbe francophone et criolophone, comme chaque premier dimanche du mois. Édition spéciale ce jour, nous fêtons la 50e de Conlambi Musique Jeudi. Pour les fidèles qui nous suivent, vous avez l'habitude d'entendre l'animateur vedette EDS. Aujourd'hui, il va laisser sa casquette de présentateur chroniqueur pour celle d'artiste à part entière. Donc après la sélection mensuelle, nous allons écouter attentivement ce qu'il a à nous dire depuis ses débuts dans le groupe Scud Squad jusqu'à aujourd'hui avec la parution de son premier album solo, La caresse d'une feuille de canne. En guise d'introduction, c'était le titre Osmose du bassiste guadeloupéen Eric Delblon, accompagné à la voix par un compatriote, Dimitri Paul. Osmose, un morceau que vous pouvez retrouver en clip et qui annonce la prochaine sortie du projet solo d'Eric Delblon, Light from Blue. On poursuit avec la séquence guadeloupéenne, cette fois-ci sur un rythme gros K, le pas djembel. Nous allons écouter Angélique, anciennement Angélique Sings, avec le morceau Yo, extrait de son premier album Pity a Pity. Le clip est lui aussi visible en ligne. Conciote Jani, en passé ensemble, en vie ensemble, yo reconnaître yo. Yo. Yo, capoté tout l'été, ma camoune blessée, ma camoune qu'a traîné, valise à yo la vie, yo. Yo reconnaître yo. Pas besoin de parler, yo. Pas besoin de écouter, yo. On sait le coup de vie. Yo reconnaît, yo. Yo. Bon, si yo déjà ni en passé ensemble, en vie ensemble. La, la, la, la. Et tout seul, c'est là yo brille, bloqué ici tant, yo reconnaît yo. Yo, yo, qu'a rêvé tout l'été, prends l'envol, disparaît, joint tout énorme en peine, et puis consolé yo. Yo, yo, pas besoin de parler, yo, pas besoin de côté, yo, en seul coutier, yo, reconnaître, yo. Yo, bon, si yo, déjà ni en passé ensemble, en vie ensemble. On récoltera ce qu'on pourra. Au moins notre pleura sera pas pour. Le flot donc te graissera à la cave. L'échange contre un bon vin j'cuve. C'est bien sans bovin, pas de mariage. Dis-moi ce que ces gens cultivent. J'suis serein dans ma bulle. Ils me font chier, j'dégaine ma plume. Le but de ma vie ce n'est pas la thune. Mais mes besoins sont remplis d'ingratitude. Donc j'm'adapte, je cap ceux qui sont d'attaque. Double cap, si goal cap cette putain de frappe. Nous rendons hommage à ceux qui se battent. Te souhaitons l'orage si tu blablates. J'suis serein dans ma bulle. Ils me font chier, je dégaine ma plume. Le but de ma vie, ce n'est pas la thune. Mais mes besoins sont remplis d'ingratitude. Yeah. Un game là, ça fait toc toc toc. Un panibal, un paniglock. Tout but pas qu'à coûter moi parce qu'il y a un passé bloc. Un gaga dit bas la famille, papa les autres. Colibou mobile sur un bloc note. A midi, moi, musique pas qu'à fonctionne. A part ça, rien de sans sas. Musique à vendre dans les box. Put, hey. Balé vous bien gagné, tête gagné, las dégainé pour un merde. Mais bon, c'est là qu'à travailler, l'en mérite pas, mais y'a d'avoir l'argent qu'à laisser c'est quel. Nous qu'on maille qui nous bled. Okeke, créole, connaître que mettre. Nous qu'on maille qui nous bled. Tu veux le million, mais à quel prix? Maman veut nous garder hors du délit. Pourtant, y'a le bloc là au point de rue. Mais négro propre ne va pas se salir. Pas de glock, mais on écrit. Mais je marche pas en équipe. Négro reste dans l'éthique. Tu veux ma beuh et mon fric. Mais ne mérite pas cette vie. Parle-moi de sous et de rêves. Et je les accomplirai. La famille en profitera. Mais Marie m'ouvre ses bras. Cette de m'a retiré mon âme. Parle-moi de sous et de rêves. Et je les accomplirai. La famille en profitera. Mais Marie m'ouvre ses bras. Cette de m'a retiré. Oh, oh, c'est dur. Quand ma vie est pure. Je ne suis pas forte pour. Et je tousse tous mes poumons. Car Babylone m'écarte ma nature. Je passe à tabac. Une belle habitude. De mon altitude. Je joue. Je m'envole au vent. La vie est douce, j'ai juré. L'embûche te coupe ta virée. Et puis d'un coup t'es vilain. T'allais pas maudire cette vie-là. Si voilà, vendetta. C'est la vie qui vient te taper. Je connais un peu de ta peine. On passe tous par là, on s'appelle. Bulle, ballon, Adam, belle vie, beau moment, yo tout à l'infini. Embalisé, balute, la ça, sans fait pute, panis, sous, pis, mais ou vini. À la source, à la belle, en cavoué, nous bien, pis, qui douze au final. Nous a piqué, nous tout pour faire mal. Belle balle, en belle balle, tout à babel, ba yo lol, nous redessé pour ba yo love. Critiquez nous, nous pas qu'attendre, parler pour rien, ça pende. Ibou, peke, je vois yo man, contre toi, ma cap posé, si branche. Ouvrez oreilles, nous met pas fun. Idolat qui pas bon, nous nous carrete, yon moudan, nous en 42, yon somme ensemble. Mais on parle de ces pour rafale, gay yo ka détale, combien qui fait parler, yo sa venji paré, on y combien allié, en mon yo ka calé, en ka sauté palier, trop nous c'est l'escalier, armé qu'on cavalier, mette au ka cavalier, papet en patade, pas tout n'est pas gadé. Papet en patade, pas tout n'est pas gadé. En bas Alice, faut que les monts émerveillent. Il faut que ça glisse, lubrifiant sans pareil. L'en trop attendu, en bas quand même paraître. Arrêtez sous-estimé, aïe paraître. En montée vitrine, en démontée palette. Si un dieu qui est au pit, négo, faut que t'arrêtes. Si un cacon fait tchoun, c'est pour remplir mallette. En coquet disparaître, pourtant dit à ta lettre. 142 de big gang, explosé tout bite sans ni flingue. L'équipe de dingue. 142 décibels, collectif de Grand Caen aux Abîmes, Guadeloupe. Le morceau Freestyle. Et juste avant, c'était Fripon et la fleur, la mer, le ciel pour nous alerter sur les enjeux environnementaux. Cette fois, on fait un tour du côté de la Martinique. Meryl. Voici une artiste qui fait de plus en plus parler d'elle, une artiste de l'ombre qui a donné de gros hits aux rappeurs français du moment puisqu'ils ont fait appel à elle en tant que mélodiste vocale, top lineuse dans le jargon. On la retrouve autant dans le genre trap que dans le genre dancehall. Très souvent aux Antilles, on navigue entre les deux. Là, on va vous diffuser son morceau dancehall Bansot sur le Redim Pani Position qu'on vous avait déjà diffusé il y a quelques temps. En voyant agir, si mes points en sol, si ou bien, et puis tout le monde nous gagne bien, salope. Bonne sot, non, pas m'en des WhatsApp. Bonne sot, non, pas m'en des WhatsApp. Puis l'année qui est passée, puis au cas où vraiment mauvais. Dès les propres familles, savons nous battre si bien lové. Bonne sot, non, pas m'en des WhatsApp. Bonne sot, non, pas m'en des WhatsApp. T'en passe à ouais, expression fidu pendant la collade. Donc, elle méfie, moi, à moi, si nous t'es pour même faire un collab. Puis un malhonnête, fuck up. Adorable, et comme moi, comme à la vie, sauf qu'il y a un consul. La force bat mon enfant immunisé, en fini, puis ça bien dit yo, que c'est moi qui dis ça. Ouais, en fini, misé si yo, en vrai, des seuls épisodes. En vrai, voilà yo, débilité, réversibilité, yo, ni plus de visage. Et ou bel yo, que vini, misé yo, fidélisé, y'a encore inimitié. En voyant agir, en si même point en sol, si ou bien, et puis tout le monde nous gagne bien, salope. Bonne sot, non, pas moi des WhatsApp. Bonne sot, non, pas moi des WhatsApp. Puis l'année qui est passée, puis yo, que souvent moins mauvais. Dès les propres familles, ou savons nous battre, moins lové. Bonne sot, non pas m'en des WhatsApp. Bonne sot, non pas m'en des WhatsApp. Tes qualités belles français, tout ça pour en foutre. Moi m'en sens foutre, on t'a foutre au Black Mirror. Ce mes yo pas coûté, rien yo pas foutre. Français bouillo qui est bouté, yo tout côté, non pas de miette. Bah ça qui t'es là et puis qui l'a encore. T'es puis le starting block, yo qu'a trust. Pussy qu'a fait grand geste, bah qui ça yo qu'a prend encore. Yo m'en et puis les mêmes ou non, pas ni guests. En voyant agir, on s'y met pour y'en sol, on s'y ou bien. Bonne politician comme un tanga. Voilà, dis-y bien. Vendez mes joues, libération. Drapeau bleu, c'est pas blanc, incinération. yeux pètent, moi fais mes cons avec soi les nations. Mais depuis c'est gossip pour payer tout le monde à l'unisson. Personne n'a pas ni chaîne en pied, ni yon ni en tête. Colonisation toujours qu'à péter n'est qu'en tête. Combien l'année poussé mes CP en dette qu'à faire qu'on s'y parle en colonialiste. C'est pas les vainqueurs. Écoutez les hommes, bah c'est mon Dieu seul qui m'aide. J'ai pas ni confiance à dans ça, qu'à jouer non frère. Y'a qui mauvais karma, que yon qu'à mettre. Je sais pour nous poutis mons, mais on gâte qu'à faire pas la bête. En pour la révolution, qui comme une évolution. Pas follow le devil différent, les gon buisson. Politicien Babylone doit comprendre que yon puissant. Peuple à nombre passé, sans tête coupé, goût, mais j'y sauce sans. Soldats dans tranché, very de gars planché. Yo, pas pour nous pour cobaye. Pas l'antex qu'a arraché, y'en qui doux y'en qu'a craché. Yo, pas pour nous pour cobaye. Soldats dans tranché, very de gars planché. Yo, pas pour nous pour cobaye. Pas l'antex qu'a arraché, y'en qui doux y'en qu'a craché. Yo, pas pour nous pour cobaye. Alfred sans l'éducation, c'est mancher mon respect. Combien fucking l'an est pas, on vient de CSP. Fais le cas normal, parlez nous, yo, c'est dit ça fait exprès. Tout le monde en plein là, on pour un caca, peuple a resté. Combien de nous m'a parlé mal alors quand yo ça presse. Moi, jeunesse, Martinique, levé. Fais yo fou moi, quand yo ennemi. C'est belle la vie, nous vont pour causer des noumons. Moi, quand yo t'es difficile, yo sans changement. Politique, c'est fangas. J'attends pour yo faire place. Empoisonner nous qu'on s'engasse. Vieux nom, l'homme est salade en business dégueulasse. Son uniforme de roi, force mélangée à dans mes lacs. Mais on a dit qu'on s'engage Martinique mal géré. Au lieu, peuple a fait pela yo qu'on couille, yo qu'a retweeté. Nek a choué, nek pour yo ma bêtise à manger. Fais combien la grève est bien changée. Bombo class. Soldat dans tranché, very de gars planché. Habillé panifay, ou pas qu'à marcher ou qu'à fly. Ouh. Et si moi aimé ou en chai, c'est parce que galou, censuré comme d'habitude. En cas imaginez nous à des en altitude. Classe en voyage sexy comme d'hab, c'est pour ça aller ou passer nous cas. Crochitette, crochitette. C'est nom cochitette, il trappe rasier. Waï mi yo cochitette, li pou en badier. Combien femme pou la pétou, j'a gade nom yo brosier. Yo tout jalouse de Martinique, privé gosier. Aïe aïe aïe, doudou foutou nice. Ou ka fait chez moi, brené kon kout basse. Aïe aïe aïe aïe, messie foutou classe. Ou pas besoin personne pou la vie ou en place. Aïe aïe aïe. C'est nous gars. Crochitette, crochitette. C'est pour ça l'air ou pas c'est nous gars. Crochitette, crochitette. Quittez moi yémen parce que demain ça paye en lot. Si tu es au cas pas doudou pas faire wall. Nous payons mais quand nous on en huit. Bon y pénitent. La vie à mystique qui peut faire nous perdre contrôle. Excusez moi madame, mais c'est foutu bada. En plus ou bijou madale yo wow yo crié bada. Manqué maintenant on t'y balade. Toute la nuit ça caille malade. Maman sensuel comme d'habitude. En cas imaginez nous à des en altitude. Classe en voyage sexy comme d'hab. C'est pour ça l'air ou passer nous cas. Crochitette, crochitette. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'est pour ça l'air ou passer nous cas. Crochitette, crochitette. Habillé panifaï, ou pas qu'à marcher ou qu'à fly, ou ces femmes qui n'est bon. Cochitette, interprété par Loy Sonja et composé par DJ Jill. Les fans de la superstar du rap Drake auront certainement reconnu des airs de Last Dance et Controller. Juste avant, c'était Taiji et le titre Cobaye, un titre qui date déjà mais qui colle bien au 10e anniversaire des mouvements sociaux qui ont secoué l'outre-mer français en 2009, bien qu'il souffre de quelques caricatures sur les questions politiques. On retourne en Guadeloupe avec un morceau qui ramène une belle dose de positivité. C'est Mouliam's Café et le titre Kwesa que vous pouvez visionner sur YouTube également. Come on. Ta-da-da-da-ta-ta. Yeah. Guarda se ti muovi con te si te ho un feedback questa no Paritesi moi con se che Guarda se ti muovi con te si te ho un feedback questa no Peppa ne cruce tu good vibe E si joue baila mon même si c'è la defy Oui sa foi nous fait nous vieux Oui sa foi nous ni plein défumé Nous qu'à force des fois plus bouge en bébaye En pile force et courage Bas ça qui paye assis Où le bravo bat tout ça qui carrève nos pays Pour tout ça qui décide des vies via yo, on te coûte pas oublier qu'elle est sale qu'elle a fait en famille. Ok, d'accord, nous ni chômage. Oh my god, malheureusement nous ni braquage. Oh my god, Pepe nous t'a chef et barrage. Oh my god, et malgré tout ça, Guada est Nina magique. Ni ça qu'a fait, ni ça qu'a parlé trop. Yeah, ni ça qu'a vivre qu'on s'y pas ni demain. Ni ça qu'a vint pour bousquer des codes. Tout ça parce qu'on arrive et des voies nous plus loin. Arrêtez, dis-moi qu'on s'acquiert. Guada c'est plus mauvais côté si t'es. On peut pas quoi ça, non Arrêtez, dis-moi qu'on s'acquiert Guarda c'est plus mauvais côté si t'es On peut pas quoi ça, On peut pas quoi ça On peut pas quoi ça On peut pas quoi ça On peut pas quoi ça Guarda nina destination danger On pas que préjugé, nous pas plus mauvais qui t'autre côté non. Tout tombe ici, n'y madame, toute femme ici N'y vient money, lève mes arms, si comment au bon avec l'IG Respect, bah non mes femmes qui cagoumé Respect, puis soleil levé, j'ai ça et couché Avec la grâce, nous qu'avance et continue de prier yeah. Éternel cœur, nous causer étoile, nous qu'a prier Garçon Arrêtez, dis-moi qu'on s'acquiert Guarda c'est plus mauvais côté si t'es On peut pas quoi ça, non Arrêtez, dis-moi qu'on s'acquiert Guarda c'est plus mauvais côté si t'es On peut pas quoi ça, On peut pas quoi ça On peut pas quoi ça On peut pas quoi ça On peut pas quoi ça De l'ambition, gros cul, femme à adresse dans la tradition. Ça chatte et à moi, je gère, je ressemble à un million. Et je vais être passé front pro au défilé Chanel. Coucou Chanel, Iman, j'aime des mannequins à la gros caramel. Quand t'es sur Paris, vas-y, on s'appelle. Il voudrait que je te parle de shit, que je te parle de ville, que je te parle de cocaïne ou bière de ganja. À croire qu'on est bon qu'à ça, je suis Napoléon noir, bon qu'à ça. Ce soir, je suis le roi Simba, pas de nous faire ça. After party, Balenciaga, MDMA dans le verre. Fais attention, gars, veste Dior, basket Nike ou bien rétrophile. Ah merde, j'ai invité au baron, elle veut aller au Libertalia. Quand il part de moi, elle dit ce nerd, crash dans le Colombo. Alexander Wayne, brodé sur le polo. Richard Scott pour Jeremy Scott pour Moschino. J'étais fourré comme dans Doom, ils prennent tous de l'épice comme dans Dune. Moi, si j'y vais, c'est pour rencontrer Jordan Dune. J'fais des selfies en t-shirt opening cérémonie. J'veux bien que tu me sues, chérie, mais ne crache pas sur mon ginger, j't'en prie, j'te fous des watts. Pendant que tu lis le watt, à quatre pattes sur le canapé, j'te conduis comme un putain de quad. Ni buzz ni les derniers Facebook. Ouais non non, fin vos papa, fin pour un tapa ou en pleine tête. Pour où gars, mais au jardin gars, qui j'en vends partie à la retraite. J'ai crack, j'ai mis ses crack, j'ai mis ses crack. Sim sim, bras sec, l'iPhone il sec, l'iPhone il fake, l'iPhone vient vous check. Batman, Batman, fucking Batman, Ben Affleck. Quand on commande, quand on commande, pas vu les mecs là sous la copote ou quand tu chines. Parce que on a fait trap pour comprendre, tu as dit que style, oh la la la, high tech. Wouh. One two, one two. Pan et taille wek. A ka fè sa pou la forme. Yo, pe kotidye. So, so, so, dek. A noue, man fouè. Si yo rayan, pa moli pou main. Fè bit la bat pou men fon jwai. Boomba, pop, nya mama. Ou la kontre twa. Ka demistifiye, tou ne wak. Come on. Woods. Woods. Come on, come on. Woods. Come on, come on. Woods. Yeah. Come on, come on. Woods. Come on, come on. Yo, trop anti, sans mode free. Fou, fou, arrêtez ma quête statue. Faut mieux écrire un e-book. Woods, en poune amour. J'suis en tête à moun, comprendre ces jeux. Malgré ce petit moule. Menti à ma tête, qui m'a yo. Si on a un accès d'honnête, si on trop toi. iTunes, si on mat. Répétez yo, on go well à is back. C'est qu'est-ce que webmaster yo pour voir si j'en ai ou pas à Woods. C'est la fin de notre sélection du jour. L'avant-dernier morceau, c'était Richard Scott avec Front Row. On a fini avec Mal Kema, le grand rappeur de Guadeloupe, avec le titre Woots, W-O-O-T-S, extrait de son projet Boom Bap Station, que nous vous recommandons très très vivement. Et maintenant, nous allons passer à l'entretien, je dirais exclusif, de notre animateur vedette, comme je disais au début, c'est EDS, rappeur martiniquais, qui va nous présenter en quelques mots déjà son parcours et son actualité chaude du moment, c'est la sortie de l'album « La caresse d'une feuille de canne ». Carbure massé. Yo, venez voir comment on est bail la cafette, l'antille et café bail yo, mais nous venez régler yon dick, comprends yo, c'est danger. Yo, pas attendre les personnes. Ça qui est qu'à vous que yo monte à l'heure, café yo descend. Mon café yo dédicace, pas toute carrure massée pour les places là. Mais allez avant, on s'en c'est Madinina qui déye Mike là. Les autres parés, le micro est ouvert. On fait des autres en bagaille, pas fait qu'on veut, ça pense pas les bagailles. Sous les checks en bagaille, faut travailler là, il est en haut, bagaille. Nous pouvons les kébénéi en balade, nous qui réveillons qui t'es en balade. Nous répétons les kébénéi en balade, nous qui réveillons qui t'es en balade. Quand il vient se méditer, passe mal, quand il vient s'attentiller, passe plein d'air, passe au passé, vite, c'est nada. Passe le quai, t'es le quai, t'as le quai, fait, c'est le quai, t'as le quai, t'as le quai, t'as le quai, t'as le quai, t'as le quai, t'as le quai, t'as pas baratiner ceux qui ont trimé pour attirer les gros titres, par intégrité, pas les ratatiner dans un ratatata, lyrique, hérité, dérite, négro, hit, gabar, éthyl, le rap et éthique. Non, comme une rate à 4-4, il est capitaliste, sadique, avide, petite carnivore, à risque, pour un calife, un petit sort du bois et passe à la tasse. Casse ta baraque, t'es dissipé, monte du doigt, plus d'une fois la tasse, tu bois la patate, ra complètement pompette. Compète, tu ne fais plus toi. Tu ravales ton texte en même temps que ton pète. Prétexte en neige et son qui gère ton set et tes compètes. Tu te crois en concert, t'es qu'en session. Cesse de test, le level du son cherche 16 ou un thème que sèche. Mais pression ou descend de serre. Tes vers un descend en peste, peste silencielle. Et la santé m'a sentence et sans enfer. J'entre dans le cercle sans mettre en jambe l'ambiance. Traîne sans faire tendance, fais semblant d'en prendre graine. J'entends crève. Grâce à la performance, je lance l'en zèle. La plupart ne me connaissent pas. EDS est mon nom de scène. On nous sait, on nous sépare. Je viens des sessions où s'enseigne l'art. Le sens cesse pratiquer de T'es carotte des grades et install, l'impro et le freestyle, les styles posé et plus face, débarré, t'égo et tes rap. S'initie pas drap pour adolescents, névrosés et autres sales. Petits signards qui bavent sur de basique, rétrice et la bikinap d'ajour. J'ai le style que m'a donné la kick. On vend des autres en bagaille, pas fait qu'on met sans français pas des bagailles. Sous les checks en mic, faut travailler là, il est en haut, il bagaille. Nous pouvons les kébénéi en balade, nous qui réveillons qui t'aille en balade. Répétez kébénéi en balade, nous qui réveillons qui t'aille en balade. Nous réveillons en vrai en balade, quand les biens se me dit, passez pas loin. Quand les biens s'attentillent, nous c'est plein d'aller, ma baiser au bas, c'est fini, t'es nada. Passe le qui est un look et Son bec et je fais son constat, c'est réalité. On peut pas tricher, pas lutter. Nouveau hôtel, rappel, ma cliché. Est-ce que ça, imaginez? Mon aimant l'a glissé, donc l'a pas quitté. John, yo, balié, go, yo, allez, côté, yo, balié. Cadre, bah, ils sont sans cibrer. Après, yo, étonné, les moutis anti-édité. Calte, mentalité. Adilina, c'est l'anidé. Dangereux, MC, mais pas quoi, c'est moulin. Le réfléchissant, yo, laissez voir, il est. Mais depuis, ouais, en bouc, comme moi, dans un caillon, ni pas, il est. Passe même en l'air, en mic, moi, qu'on s'y a, il est. Et me témoin, a, il est. Puis ça, ou fatigué, ça l'est égal à journée. EDS, membre du groupe Scud Squad, groupe de rap martiniquais. Nous allons commencer une première partie de l'entretien intitulé Dans le rétroviseur. Raconte-nous tes tout premiers débuts dans le rap. Tu as commencé à écrire pendant tes années lycée. Comment ça t'est venu? Quelle était l'ambiance dans les années 96-99 au lycée Schellcher à Fort-de-France niveau son? Ouais, donc j'ai commencé à écrire au lycée. En fait, on a avec Tidam, Sigma, DJ Sigma, et un quatrième membre qui s'appelait Cut Gangsta. Donc on était à Ducos. On était, je pense, d'abord fascinés par les scratch. Donc on a créé Scud Squad avant tout comme un collectif de DJ. Donc Scud en verlan qui était une référence au disque. On est allé acheter des vieilles platines qui n'étaient pas du tout faites pour ça au Terre-Saint-Ville. Et on a commencé, on récupérait tous les très très rares vinyles qu'on vendait, je sais pas moi, Nuggets à l'époque, de dancehall et un petit peu de rap. Et on essayait de scratcher, etc. Donc c'est de là que ça vient notre groupe Scud Squad, donc qui était un collectif de DJ. On n'a pas fait grand-chose à ce niveau-là, à part animer peut-être une soirée pour faire mettre des scratchs pendant que les Monantéka dansaient. Donc c'était ça. Après le rap, vraiment, d'abord c'était le fait d'avoir écouté beaucoup de raga. C'est d'abord par ça qu'on pouvait être amené, sensibilisé à ça. Et puis c'est des albums de rap comme l'album de Fab, Le Fond et la Forme, l'album d'IAM, L'École du Micro d'Argent, où il y avait d'ailleurs un deuxième CD avec 4 instrus. C'est pas sur ça qu'on a commencé, mais voilà, tout ça a participé jusqu'à ce qu'on se décide, Tidam et moi, à Ducos, chez moi, chez mes parents, à s'exercer. Donc on avait pris un petit espace où on balançait du son et on commençait à lâcher des textes. On avait écrit les premiers textes, on avait des instrus, donc des faces B, des vinyles, et on s'exerçait dessus. Et au lycée Schellcher, mais voilà, fin des années 90, il y avait un club hip-hop dont je ne faisais pas partie, mais qui était actif. Donc, pour l'anecdote, dedans, il y avait notamment Steven Morris, qui ensuite a fait du zouk, etc., des choses comme ça. Moi, à l'époque, c'était Freedom MC. Il y avait, c'est là aussi, plus ou moins, que j'ai capté Alphaz pour la première fois, donc avec qui j'ai fait pas mal de projets comme La Chichivée par la suite, et puis aussi avec Scud Squad. Voilà, c'était à cette époque-là, donc j'étais pas vraiment dans le collectif, mais dans le groupe hip-hop, mais je connaissais bien. En termes d'ambiance, je te dirais pas, ça reste quand même, les rappeurs étaient quand même un peu à part. En Martinique, on n'a jamais eu une grosse culture rap populaire. On n'a pas d'équivalent de Folklie en Guadeloupe, et donc voilà, l'école, le rap à cette époque-là, c'était d'abord BET, la chaîne BET, donc on voyait tous les clips de rap américain. Moi, je regardais ça toute la journée, enfin, vraiment, on voyait Rap City, voilà, c'était vraiment ça. Et puis sinon, au lycée, ça pouvait être des cassettes de freestyle de génération qu'on nous passait, voilà, mais on était vraiment, c'était la petite secte des gars en baggy ou jogging, hein, pour ceux qui venaient de France. Voilà, c'était un peu ça, mais ça pouvait être aussi du gros son pendant les matchs de basket. Je me souviens que le club hip-hop était un peu surélevé à l'étage au-dessus du terrain de basket qu'on avait au lycée. Et bon, ça participait à l'ambiance, mais voilà, ça restait quand même une petite secte à part. Te souviens-tu de la première fois que tu as pris le micro devant un public? Ben, les premières fois que j'ai pris un micro en public, si je ne me trompe pas, un vrai public, c'est-à-dire des gens que je ne connais pas, c'était dans une boîte, je crois que c'est le Xenakis, où Neg Lyrical faisait des soirées hip-hop, C'était vraiment lui qui organisait tous les mouvements hip-hop en Martinique. Et on était allé dans cette soirée où il y avait toujours un moment open mic. Et donc Tidam et moi, on avait pris le micro pour la première fois. Et puis sinon, peut-être qu'avant ça, effectivement, on avait fait plusieurs radios. Je me souviens de l'émission, je sais pas le nom, mais c'était l'émission des Nouveaux Griots. C'était sur Radio As. On y allait avec, on a ramené nos platines avec DJ Sigma. Et vraiment, c'était une époque très particulière. Hein. C'était, je sais pas moi, on avait 18 ans. Et quand on allait faire un freestyle dans une radio, pour nous c'était comme un concert. Donc on préparait le set, les scratchs, je me souviens que j'écrivais des textes spécialement pour l'émission de radio qu'on rappait une fois et qu'on réutilisait jamais après. Donc on n'était pas du tout dans l'optimisation, mais voilà, je me souviens que j'avais un morceau qui s'appelait Ma copine est une skatelle. Un texte d'adolescent qui n'est pas le même texte que Ma copine est une que j'ai sorti par la suite, mais ça c'est vraiment un texte que j'ai fait une fois juste sur Radio As. Donc il y avait aussi après il y avait Radio Lévis Dubout, différentes émissions hip hop, Radio Campus. Voilà, on a essayé de faire un peu c'était un gros test pour nous. La performance à l'époque c'était très important pour essayer de prouver notre capacité, notre valeur, notre crédit. Donc c'était ça. Et puis sinon, on rappait tout le temps entre nous et on a eu l'occasion avec c'était le groupe du club hip-hop du lycée Shelcher, hein, c'était l'école du vice, etc. Où on faisait des sessions, où on balançait des instrus, tout le monde rappait. Donc c'était vraiment la culture du micro ouvert. Bon, aujourd'hui, on aurait dit cypher, etc. Mais c'était très très présent à cette époque-là. Après le baccalauréat, tu es parti en France pour poursuivre tes études. Comment cet exil a-t-il influencé ton parcours artistique ? J'ai vraiment commencé à rapper. J'ai commencé à écrire à 17 ans et on a commencé, mais avec Tidam, à se présenter devant les gens en tant que rappeur au moment où on partait, en fait. C'est-à-dire, il y avait tout le temps de l'apprentissage et l'apprentissage a continué encore à Paris. Donc, qu'on le veuille ou pas, on reste un groupe parisien ou de l'Hexagone à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment. Pendant les vacances, on revenait, on faisait un freestyle par-ci, un freestyle par-là. Mais c'est vraiment sur Paris qu'on a travaillé la musique, qu'on a commencé. On a délaissé les faces B, on s'est dit qu'on voulait avoir des compositions qui soient à nous, plus originales. Donc, au fur et à mesure, apporter une identité, une personnalité à notre musique. Et puis je dirais que cet exil, j'avais 17 ans quand je suis arrivé en France, il est en parallèle de la construction de l'homme, hein, tout simplement. Donc on commençait à devenir adulte, des préoccupations que j'avais pas avant, donc c'est toute cette innocence qui était avant le hip-hop, tout simplement par la force des choses, parce que j'ai commencé à l'adolescence ou en fin d'adolescence. Donc l'exil, ça a forcément influencé. Je pense, je le dis toujours, que je serais resté en Martinique, je n'écrirais certainement pas la même chose, ni sur les mêmes thèmes. Je sais que l'éloignement m'a fait avoir toute une réflexion sur l'identité, hein, c'était l'époque de la quête identitaire, sur la culture, se renseigner plus sur sa culture, voir tout cet aspect, tous les aspects de la culture auxquels je prêtais pas attention avant. Moi, j'écoutais que de la musique jamaïcaine, que de la musique américaine. Tout ça, j'en parle dans mon album La caresse d'une feuille de canne, notamment sur le morceau Des palais créoles, et ce rapport aussi à la langue. On a en Martinique, on rappelait qu'en français. Alors qu'à Paris, on a commencé à écrire en créole, lorsqu'on a entendu des groupes comme N'Equipa Café La Fête, des groupes comme Karaoke Rakrou, comme Leslie, de Ify et Leslie, où on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas que... Dans notre tête, le créole n'était pas ne permettait pas de faire ce que faisaient les rappeurs français qu'on écoutait à l'époque, c'était les Bustaflex, IAM, NTM, Oxmo Puccino, etc. On se disait, ouais, mais le créole est limité par rapport à ça, et en fait, on s'est rendu compte en écoutant tous ces pionniers du hip-hop créole, que c'est pas le créole qui était limité, c'est nous qui étions limités en créole. Donc il fallait augmenter le niveau, la pratique, etc. Donc ce retour vers le créole, par exemple, c'est une conséquence directe de l'exil, parce que c'est quand on s'éloigne qu'on prend une certaine distance par rapport au pays, qu'on se retourne et qu'on voit à quel point il est beau, à quel point sa culture est belle. Donc c'est indissociable. À partir de quand et comment ton groupe Scud Squad a-t-il décidé de se structurer et de passer à un stade supérieur? Ben en fait, on n'a rien décidé du tout. On est vraiment un groupe autodidacte. C'est-à-dire qu'on a acheté des platines, on a commencé à scratcher dessus, à faire n'importe quoi. On n'a jamais été rattaché à un plus gros collectif. On n'avait pas de parrains, de gens qui nous ont montré la voie. Déjà, on était à Ducos. Bon, pour ceux qui connaissent un peu la Martinique, c'est pas central, hein, tous les groupes étaient à l'époque, si je dis pas de bêtises, à Fort-de-France, à Sainte-Marie, il y avait le hip-hop Bocaille, donc voilà, il y avait toute une culture, et puis on n'était pas exactement de la même génération, on était un petit peu plus jeunes, on disait pas forcément qu'on faisait du son, on était un peu dans l'autre coin, et arrivé à Paris, ben, on a poursuivi de la même façon, donc là, on a pu faire des connexions qui nous ont permis d'évoluer, mais on était toujours je crois qu'on a fait une dizaine de projets, en comptant toutes les petites mixtapes du début qu'on imprimait, qu'on gravait à la maison, qu'on imprimait sur nos imprimantes, qu'on écrivait sur le CD, enfin voilà, du plus artisanal jusqu'aux albums professionnels, on a toujours fonctionné un peu en autarcie, en autodidacte, et c'est simplement une progression pour toujours faire mieux, projet après projet, qui a fait qu'on est arrivé à quelque chose de plus de moins artisanal dans la façon dont on le présente, des vrais disques déposés avec un vrai mixage, avec un mastering. C'est chaque projet vraiment jusqu'à arriver à l'album Chimé Chien, l'album du groupe Scud Squad. Mais d'abord, c'est passé par plein de mixtapes vraiment artisanales avec les moyens du bord. Et voilà, c'est vraiment projet après projet, se dire mais il faut qu'on fasse un peu mieux. Et c'est simplement cette culture hip-hop qu'on avait en fait, hein, de la débrouillardise et puis toujours de performer, de faire encore mieux. Donc c'est comme ça qu'on s'est finalement dit, je dirais autour de 2006, c'est là qu'on a commencé à faire des concerts avec des musiciens. Donc il y avait toujours des maladresses, hein, par-ci par-là. Je veux dire, quand je compare avec ce qui peut se faire aujourd'hui, où il y a des groupes qui arrivent avec leur premier morceau, leur tout premier truc, leur premier concert, et c'est déjà ils ont déjà une vision de ce que ça peut donner, de où ça va. Ben nous, à l'époque, 10 ans, 20 ans avant, c'était surtout venant de Martinique, c'est comme si c'était à 30 ans en France, c'est-à-dire qu'on s'enregistrait sur des cassettes, on faisait des mixtapes avec la pause cassette, les platines n'étaient pas faites pour scratcher, enfin, on n'avait pas d'instru, enfin voilà, là, c'était vraiment les prémices. Donc c'est une autre façon, c'est une longue continuité, alors qu'aujourd'hui, ben, avec YouTube, avec tous les moyens qu'il y a, tu peux arriver plus officiel tout de suite, donc c'est une autre époque. Et puis je parlais de la construction en termes d'identité, de personnalité. Je pense que c'est aussi lié, voilà, à cette démarche de structuration. Excuse-moi, dans le sens où on a commencé à rapper, on faisait des petits ego trips. On disait, je pense que le premier texte qu'on a écrit dans notre vie, on disait qu'on était les meilleurs rappeurs du monde, tu vois. Donc c'est cette naïveté, ce mimétisme, hein, puisqu'on faisait comme nos rappeurs préférés qui étaient les meilleurs. Enfin, on écoutait Time Bomb, mais je voulais faire des rimes internes, je me souviens, comme Oxmo Puccino, et puis en fait ça ressemblait à rien. Donc au fur et à mesure, tu commences à parler du mimétisme, par de l'ego trip. Je dis pas que l'ego trip ça peut pas être une base de bonne musique, hein, mais c'est simplement que ce qu'on racontait, ça ne collait vraiment pas du tout à qui on pouvait être. Et puis au fur et à mesure, mais on a défini un peu ce qui allait être notre identité, c'est-à-dire une idée de simplicité, de naturel, c'est-à-dire d'assumer qui on est, qu'on vient pas de, on vient de Ducos. Et à Ducos, on vient pas des pires coins, on vient pas du ghetto, on n'a pas du tout cette culture-là, on représentait simplement qui on était, et voilà, donc après il y a eu des groupes, hein, aux États-Unis, je pense à des groupes comme Little Brother, je me souviens qui avait aussi cette démarche-là d'être simplement naturel. Je pense que Kanye West, à ses débuts, a beaucoup amené cette image-là, ben, on va dire que nous, c'est un peu ce qu'on faisait. On n'est peut-être pas des rappeurs militants, conscients, acharnés. Hein, comme je disais, il y avait ce rapport à la langue, etc. On se construisait. Et voilà, nous, du coup, dans nos projets, dans l'album Chimé Chien, on pouvait autant parler d'identité noire, de colonialisme, que d'aller d'être chien boule, d'aller jouer au basket, ou d'aller en soirée avec des gens qui veulent pas, les attitudes qu'il peut y avoir en soirée. On représentait vraiment tous ces aspects-là. Et on n'était pas uniquement hip-hop aussi, hein. Je pense qu'il y a une grosse influence du dancehall, du reggae, des musiques traditionnelles locales. On a très tôt, on a voulu travailler avec intégrer des musiciens. Je crois que c'était en 2002 sur notre premier projet à Sous-Côté. Donc là, vraiment, je parle à très peu de personnes, mais j'en parle quand même. Où le premier morceau, j'avais pu faire un morceau voix percussion avec Paco Charlery au Congas. J'avais eu cette opportunité de le rencontrer pour travailler un morceau, et c'était vraiment très enrichissant parce que j'avais peut-être 19 ans, enfin je sais plus, 20 ans, je sais pas quel âge j'avais. J'étais très dans une approche rap, pur rap, pas de musique, pas d'instrument, pas de chant, fallait que ça soit hardcore, etc. Et puis voilà, ça a beaucoup participé à notre ouverture musicale et à notre identité, à assumer qui on était. Peut-être que, je sais pas si ça nous a pénalisé pour être reconnus comme étant un groupe important du rap martiniquais, mais voilà, on était simplement qui on était, et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'entends poursuivre. Hein. On ne travestit rien, on ne force pas le trait, et on dit simplement ce qu'on pense. Et pour moi, justement, c'est ça, être vraiment hardcore, authentique, tous ces mots qu'on utilise tout le temps, mais dont on a dévié le sens. C'est-à-dire, être authentique, c'est pas être être le plus dur possible, c'est simplement être soi-même, mais c'est comme ça qu'on voyait la musique. À l'état, nous pas du temps pour nous jouer. Toujours qu'à ton nec, pas les 10 révolutions, 10 gros bails, mais au lieu pas les 10 gros bails, nous pouvons faire 10 usines, anti-usines, bails, attends, j'ai dit, vrai, voyez l'homme, on l'est là. Ou pas qu'à ton, c'est qu'on s'annule, que, fais ces lyrics sans tête, en tête, aïe, amon. Ah ouais, moi, pas du fait, descend alors, qui, quittez l'homme, on l'est là, amon. Ça nous bouffe chaque mais nous cadé descend on est en mic. Écoutez, nous pas les pièces pas d'or à si reconnaître crime non pour faire style ou pas mériter pièces. Est-ce qu'ils savent nous pas pour dire merci nous mériter plus pas quitter des gros têtes imbéciles philosophes aux journalistes qu'à les jolies tirer par leur bouche. Allez ouais l'homme on l'est. Si vous venez ici et pitcher si vous raillez dans ce lundi en ambiance cimetière. Allez ouais l'homme on l'est. Si vous qu'à comprendre créole big respect richesse c'est en richesse moi même c'est ma vie. Ouais l'homme on l'est. Sous sentier qui descend Paname mais qui pas qu'à faire comme les ritournés en bas bois. L'homme on l'est. Sous sa chèvre et combien est qu'on pas qu'à fun. Qui a dans sa l'eau, qui en font sa bonne. Non mais on l'est, sous une histoire pour apprendre. Être pour ça ou pas qu'à attendre. Derrière la France, on l'est, ouais, non mais on l'est. Pas qu'à attendre, on l'est personne. Parce ni bon nec, tout qu'a fait mauvais propagande. On l'est, ouais, non mais on l'est. Sous qualité pour l'égalité, goumen pour dignité. Les frères qui panient facilité. On l'est, ouais, non mais on l'est. Sous l'eau chanter l'unité, pep nec. C'est pas seulement pour faire wall ou route d'après. Alors vrai, voyez l'en mais on l'est. On l'est là. Avec nous, qu'est, fais ces lyrics sans tête, taille. Alors, pas dire ça, alors qui, quittez l'homme, on l'est là. Passez comme ça, nous bouffez, chaque l'est nous, descend, on l'est, on est en mic. Ou pas qu'à ton monde, passe, jordi, nous pas du temps pour nous jouer. Il est pour mettre corps carré sur les wenneg griffés. Et puis, c'est chaque moule qui bouffait en tisisine. Et pas pète, attends pas, on l'est nul, check les allez, ouais, non, mais on l'est. Si pays a qui en chien ou caché, j'ai fait un bail pour pas quitter un chien. Allez, ouais, non, mais on l'est. Anti-projet, anti-parole, à pas la jambe, équivalent au gabar en ish. Pour nous construire un nation, non, mais on l'est. Si vous c'est pas qu'à faire ou paix, si les potes la fermaient, ou qu'à prochain, mes chiens. Si on vit péter chaîne, tout ça font des péchés. Mais fais bagaille là bien, nous pas pièce qu'à cacher. Allez, ouais, non, mais on l'est. Sautez, qu'on sautez les véfets. Qu'on sous le creve ciel, même sous creve zeta, qui battait les ouais. Nous pas en lay, nous qu'à assis en lay. Jusqu'à temps il prend paix. Nous la spoil pas assez vite, pas assez funky. Attends, nous qu'à assis en lay. Jusqu'à temps il prend paix. Nous la spoil pas assez vite, pas assez funky. En tête, nous les nous boy diplomates. Mais tonton pas qu'à péter pour mieux comprendre ces couillonnades. Non mais on lay, tout ça que les combien mecs ou la s'attendent. Si autres la s'attendent, autres comme moi. Alors moi les autres, vous voyez, non mais on lay là. avec nous que fais ces lyrics en tête en détail. Adieu on pas fait des sons alors qui quitte l'homme mais on l'est là. Et c'est comme ça nous pour faire chaque nous descend en l'ay on est en mic. Tu es aussi beatmaker, il semble que ton outil de toujours est une MPC 2000. Comment et pourquoi as-tu choisi cette machine pour composer ? Pour tout te dire, je ne suis pas du tout un nerd ou un technologie addict, etc. Il y a peut-être un petit côté fétichiste parce que, comme pour les platines vinyles, j'ai toujours trouvé que c'est un bel objet, le sampler, la MPC 2000. Mais c'est surtout parce qu'arrivé en France, j'ai eu l'opportunité de connecter DJ Phony, donc Cacophony Beatmaker aujourd'hui, qui avait un appart à Paris où il y avait toujours beaucoup de rappeurs, de beatmakers. Et bon, moi, j'étais un petit peu un des petits, mais j'étais souvent là. Enfin, en tout cas, j'y allais autant que possible. Et je regardais, il me montrait un peu comment il faisait ses instrus. Ou en tout cas, j'écoutais simplement les instrus. Donc très tôt, j'ai eu l'opportunité d'entendre un beatmaker local qui utilise des samples de musique, alors caribéen ou pas du tout d'ailleurs, hein, mais en tout cas qui intégrait ça à sa musique. Donc c'était pas les mêmes samples de soul, de jazz, de musique classique qu'on entendait un petit peu partout. C'était un autre groove, autre chose, et qui en plus de ça, au niveau même des rythmiques, intégrait le gros cas, intégrait les percussions, donnait ce petit groove un peu, intégrait même le zouk, etc. Et ça faisait que c'était une musique nouvelle en fait. Et donc pour moi, c'est devenu une évidence que ça devait être ça, le hip-hop créole, le hip-hop caribéen. Alors que aujourd'hui, quand on y réfléchit, on se rend compte que c'est pas un avis qui est partagé par tous. Mais j'ai eu la chance de voir ça. Je pense à et d'écouter. Ça fait que après j'écoutais beaucoup de beatmakers comme les gars des Nek qui pas qu'à faire la fête, Nek Lyrical, Boogie Flaha, l'album Made in Nina, etc. C'est tout ça qui a participé à mon éducation musicale à ce niveau-là. Et donc naturellement, à un moment donné, je te disais qu'on avait lâché les face B, qu'il y en avait marre de poser sur la face B de Bustaflex. Et puis quand tu fais écouter ça à quelqu'un, il te dit ouais, j'aime beaucoup l'instru, alors que c'est pas ton instru. Donc c'est vraiment né de là. Et puis au fur et à mesure, se créer une identité musicale, arriver avec une musique qui soit la nôtre, qu'on puisse se dire ça c'est du Scud Squad, etc. C'est ça qu'on a un peu recherché, hein, comme le hip-hop à la base c'est être original. Encore une fois, ça s'est beaucoup perdu, mais à la base c'était ça. Et nous on voulait aller dans ce sens-là. Et comme il n'y avait personne pour faire nos instrus, je me suis dit je vais acheter une MPC 2000 et je vais faire mes instrus moi-même. Donc j'ai eu la chance parce que comme j'ai jamais lu le manuel, que DJ Phony m'ait montré les fonctions, les fonctionnalités, comment on fait pour faire l'instru, les samples, découper un sample, placer les samples, etc. Et voilà, moi je me suis exercé donc depuis 2002, c'est là où j'ai acheté mon sampler, et ben jusqu'à l'HHIV, jusqu'aux ateliers l'HHIV qu'on faisait en 2014. C'était toujours la même machine avec des disquettes, un petit peu obsolète, mais qui fonctionne toujours. Même si aujourd'hui, j'ai un peu clairement délaissé cet aspect de la composition. Et pour parler de mon album La caresse d'une feuille de canne, j'étais plus dans une position de chef d'orchestre où je donnais des directions, des directives, mais c'est pas moi directement qui faisais les instrus parce que c'est extrêmement chronophage. Et aujourd'hui, la vie fait que j'ai moins de temps pour ça, mais la chéchivée en tout cas, ça aurait été une étape importante où j'aurais pu exercer, développer cet aspect de beatmaking. J'ai grandi en Martinique, Ducasse, collège Asselin de Beauville, Brisport, lui c'est Shell Cher, si m'en fait l'école et Pio. Big up, même si nous pas qu'à check encore, en cas espéré, ça fait au carré, avec la vie, j'en fais au cadeau. Combien j'ai dans la route qui calait, d'autres qui veulent démarrer, les tout le monde t'es qu'à quoi, yo t'es capot. Allez les mauvais conseillers, capé, carcéré, qu'on crapaud. Passion est qu'il est capable, j'y capoté drapeau, vous sapin. Puis yo pâté les bails en patate. Je dis yo, ouais, y'a pas de table de capot. Monsieur des yo, viens conseiller tes papayes. En cas du chapeau, passant ou passable, c'est chaque léo, mais ça haut. En bas bois, tout frais, tout ces pays, y'a qu'à bord l'eau. L'estomac a gonflé, qu'on macaque, plaque à tomber. Yo, qui dit ça, c'est John I. Pay. Du gosse massif, si t'es la marine, tu 8 à 8, nous en mi-temps, boulant tes cafés chiffres. La sous-riveronne, mais c'est nord des dépressifs. Mando dit tout en collège, là t'es qu'à venir des sandwichs. En mai la commune, fais-moi l'école, t'es qu'à presse dormir en classe là. Max, t'es connaît tout si mon maille, pour moi qui est toujours là. École mix-up et les flamboyants, puis mes côtés. En fait, si l'arrivée assez de beau but, tout mais t'es connaître la matière. Même si nous pas t'es qu'à check avant, en t'es content, en bas on l'aïe, dis moins, ou rivé ou pas mal tout neuf. Ça vous pas fini, jumpy en mi-temps, la savant nous fait en bagaille pour la vie ou pourtant personne peut t'es qu'à attendre en l'air. On nous fait l'école ensemble, mais pas nous, oui, cochon pour la Noël. Si nous prends 3-4 blagues, nous pas t'es qu'à faire wall. Nous t'es savent de la vie, nous pas t'es cassons, nous pas t'es grippés en tonne. Nous vivons la vie, nous et pas j'aurai comme nous. Actuellement en part, on dit en trompé comme moi. Chaque monde dit lumière, y'en tchè, il fait briller et joue qu'éclairé. En t'es qu'à mal parler, ou mais ou pour l'instant, ou me. Ou tracer là où tout est fait, moi, fais main, gel, moi. Chaque monde dit pouta, c'est là où t'lis. Pas attendre les personnes, quitte ces moules, parler en les dons. Si ou savent ça, ou les boules la vie, ou en y fait chimère, on pas quitter pied chien, mais non. Mais si où est chimin chien, pas j'ai hésité, il n'y a plusieurs manières arrivé en côté. La vie pas chez nous, c'est ils chantent qui les récords. Ils sont à là, c'est pour tout faire, toutes celles qui pas dormir les corps. Il en est passé, la vie a qu'a fait que il n'y a des mounes qu'à retrouver. Actuellement, on qu'a vivre banane, des témoins fait comme Henri Croisé, des sectes d'âme. Nous qu'a vine représenter jeunesse madinina. Plus précisément, du coup, autrement à Pétrou, au chaque côté, nous t'es qu'à croiser. Qui en collège, en bus là, check même en fait patronale. Pour souvenir qu'arrivé ni l'un en t'es qu'à passer. En détend à sous place là avec toutes les frères. L'un en descend en bas là en qu'à songer. Et ouais tout soldat c'est ça qui bat moins fausse là. Toujours estimé moins qu'on anticipe là. Respect pour moi fait moins prendre bon love là. Y'en qui bouillot on s'est baillé au courage. Même si c'est l'homme qui a séparé nous là. En passant cabré en big up ou ben là. Nous t'es qu'à squatter manger en des pizzas. Votre table d'autant chez moi, m'en fais pas oublier tout ça. En car il descend, il n'y toute famille, moi là. En tu pays qui si belle, tout la gabrie les ailes. Oh, ça qu'a rend moins triste que tout dit jeune qu'a resté en l'air, yo. Sans faire rien. Motivation qu'a fait que ou qu'a pas privé. Pas qu'en moyen. Chimin Chien, c'est le premier album de Scud Squad, sorti il y a aujourd'hui 10 ans. Album qui fait partie des gros classiques du hip-hop martiniquais, dont le morceau Rue Zizine et des étages a même été utilisé pour le film de Lucien Jean-Baptiste 30 degrés couleur en 2012. On peut aussi citer le morceau M'appelle pas Black, qui a anticipé pas mal de débats actuels. Quel regard portes-tu sur ce projet aujourd'hui ? C'est un album qui mériterait une sorte de relance, une sorte de reboot. Alors, à quand un concert anniversaire pour vous retrouver, toi, Tidam et DJ Sigma ? Merci beaucoup. Même si c'est la famille de dire que ça fait partie des gros classiques du hip-hop martiniquais. Quel regard je porte dessus après tout ce temps ? Il y a forcément une partie de frustration, parce que bon, toi tu dis que c'est un des gros classiques, mais je suis pas certain que même dans le tout petit microcosme du hip-hop martiniquais, que ce soit reconnu ou connu tout simplement en tant que tel. Alors à ça, je mets beaucoup de la responsabilité sur nous-mêmes, hein, puisque ben, déjà on n'était pas sur place, et en Martinique, ben, il faut être sur place. Déjà, on t'oublie vite quand tu es établi, mais alors quand tu as développé toute ta carrière entre guillemets à l'extérieur, tu peux pas demander à ce que les gens se l'approprient sur place. Donc j'ai de très beaux souvenirs de scènes en Martinique. Je pense à la première partie d'Eric Pédurant qu'on avait faite au Maximus, ça s'était vraiment très très bien passé. Après avec la Chichivé, on avait fait aussi une autre date au Maximus. C'est vraiment avec une grosse ambiance, mais voilà, pas suffisamment pour être ancré comme étant un groupe de Martinique. Et est-ce que l'impact des morceaux, c'est difficile à évaluer. On a eu cette chance de placer Rue Zizine et des étages dans la BO de 30 degrés couleur. C'était vraiment pour un groupe totalement, c'est même pas indépendant, mais autoproduit, c'était une belle réussite. Je mettrais aussi, je pense aussi comme ça, c'est des souvenirs un peu divers, mais on était passé sur RFI, dans l'émission Plein Sud, on avait joué en live à côté d'un groupe qui était signé, je sais plus si c'était chez Universal ou Capitol, alors que nous on avait fait notre truc un peu en mode artisanal, quoi. Donc c'est vraiment l'album de l'apprentissage, de la professionnalisation, en tout cas de proposer quelque chose qui n'est pas à rougir à côté de ces artistes qui sont arrivés avec plus de moyens, peut-être plus d'expérience. C'est les premiers vrais studios, c'est des petites erreurs, hein, qui a certainement par-ci par-là sur certains mixages, certaines voix, un entrain parfois un peu, des voix un peu trop appuyées, des petits détails qu'on voit. Mais 10 ans après, j'en suis très fier. C'est vraiment ma fondation. Même si je suis amené à faire des combinaisons avec d'autres artistes, mon seul groupe, c'est Scud Squad. C'est un album, voilà, sur la pochette, il y a Tidam et moi. Il y a vraiment tout un historique derrière. Rusizine des étages, on représente la culture de, enfin la vie de commune, hein, tout simplement, de Ducos avec Sista Jahan. C'est un clip qui n'a pas fait 10 000 vues, mais qui a peut-être fait 10 000 vues, mais voilà, ça reste très anecdotique aujourd'hui. C'est une très grosse fierté d'avoir fait ce clip-là, où on s'est retrouvé avec beaucoup d'amis d'enfance de Ducos. Beaucoup de Ducossais jusqu'à aujourd'hui découvrent le clip un peu par hasard sur Facebook et partagent encore, hein, en 2019. Donc voilà, il y a quelque chose. On aurait pu aller plus loin. On a fait aussi ce concert à la Chapelle des Lombards. Bon, là, je commence à être un peu long. On est avec des dessins pris. Et Edmond Mondésir, et l'école Bellet, on a fait des choses vraiment intéressantes. On est arrivé un peu en même temps que toute la nouvelle scène créole, comme on aimait le dire. Et ça a peut-être participé au fait qu'on nous positionne pas comme un groupe de rap. Mais il y a aussi cette fierté d'avoir pu jouer sur les mêmes scènes que des artistes de grands artistes, hein, mais qui font une musique plus abordable, parce que le rap, c'est quand même assez mal vu. C'est pas forcément toujours mélodieux, etc. Les thèmes sont parfois un peu durs sur l'album, mais on a pu être à côté de cette scène-là. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas, je ne sais pas, mais notre idée, voilà, c'était d'amener notre musique à un public qui est pas conquis d'avance, qui a pas envie de nous écouter. C'est ça que ça représente, cet album. Chime un chien, voilà, les chemins de traverse, les chemins crochus, les chemins détournés. C'est comme ça qu'on a abordé la musique, et c'est ce qu'on a voulu représenter avec cet album-là. Et je finirai avec M'appelle pas Black, qui est aussi un moment intéressant, parce que on a fait ça en 2008, on a fait nos t-shirts M'appelle pas Black, etc. Ça a parlé à beaucoup de gens, et puis depuis, il y a énormément, surtout en 2018, beaucoup de podcasts, d'articles, de médias importants, qui aborde cette question-là. J'ai vu que quelqu'un sorti des t-shirts aussi autour de la question. Donc c'est très drôle, je trouve, hein, parce que on a peut-être raté un coche, même si ce morceau nous a beaucoup identifié. On a peut-être raté un coche. On aurait peut-être pu aller plus loin avec plus de marketing dans ce sens-là. Mais moi, c'est pas ça que je retiens. Ce que je retiens, c'est que à l'époque déjà, on a su toucher à quelque chose de très problématique dans la société française, et de très actuel. Et c'est comme de toute façon, c'est un problème dont on n'attaque jamais les causes, puisqu'en France, tout l'art, c'est de ne jamais attaquer les causes, de toujours créer un peu de confusion, de diversion, pour ne pas voir le problème central de la perception des Noirs en France. Ce sera toujours d'actualité. Donc après, s'il y a des nouvelles générations qui reprennent le sujet d'une autre façon ou mieux, tant mieux, quoi. Mais nous, à l'époque, on a fait ce morceau-là, M'appelle pas Black, et je pense qu'on peut en être très fiers, quoi. Donc c'est ce que j'aurais à dire, hein. Cet album-là, on est même allé le jouer à Londres, en Martinique. Et puis c'était l'époque aussi de la vie de groupe. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de groupes. Il y a beaucoup de... Ça c'est beaucoup individualisé. Les artistes sont en solo. On joue avec des musiciens alors que... voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se perdre aussi. Donc voilà, c'est une époque marquée. Relance, reboot. En toute sincérité, je n'y crois pas. Parce que c'est, on n'a plus 20 ans. Et concert anniversaire, ce serait super. Aujourd'hui, on est un peu éclaté entre Bordeaux, Paris et maintenant Guadeloupe. Donc c'est pas demain la veille. Par contre, il y a pas de date de péremption. On avait des maquettes de côté pour un deuxième album. Hein. Ça a été un peu mis de côté, mais c'est un travail qui est toujours là. L'identité est toujours là. Donc Scud Squad depuis 97 et en toute monnaie nous l'a toujours. Noir n'est pas que ma couleur, c'est ma race en plus. Ma couleur c'est marron, ce n'est pas en nuance, sans l'appellation que les problèmes s'effaceront et de m'assomme. À coup de slogan, qu'on se honne, on sera colleuse. Black, blanc, beurre et qu'on sourd, c'est ce que sourd cette radoteuse. Chez moi les noirs ne sont pas black, ils sont marrons comme les nègres d'une ex-terre d'Arawak. Désertés la canne en rebelle, les blancs dans la savane se perdent. Ils aiment chasser dans les prés, être lâche, prétendre dire gré avec du retard dans les décrets. Tu sais c'est quoi être intégré, c'est savoir fermer sa gueule ou gueuler un amour aveugle pour le colon libérateur. À cœur, à corps, à cri, à tort, à travers, sous les seuls traits d'une terre martyre qu'on nous dépeint la terre mère et la terre mère. Pour la plupart des noirs n'est qu'un mystère, un mythe, un joli poster dont on ne peut même pas te situer plus de 5 pays. Comme le X de Malcolm sur les casquettes, le sigle de Peace and Love, le rouge, jaune, vert. Bref là je crois qu'il faut qu'on arrête de croire que les noirs sont tous pareils. De Fort-de-France à Cayenne, de Port-au-Prince à Harlem, c'est la paresse d'aller au-delà des paillettes et du paraître. L'art de parler des racines sans voir la variété des branches plus que des racines. Ressentez la puissance de ce tronc massif et tenace qui ne plie ni ne casse. Sans cesse pousse et terrasse ce qui nie la majesté de cette matrice, de cet arbre, ce cri qui dépasse les débats futiles et d'y croire, je te prie, de vive voix, je le crie, je le clame, je la vis. Culture noire, que dis-je, culture nègre. Pourtant j'en entends qui bégaient à la recherche du terme exact. Quand même des noirs s'y mettent, je me dis que se perdent des claques. Noir n'est pas une insulte, s'il te plaît, m'appelle pas black. S'il te plaît, m'appelle pas black. M'appelle pas black, please, tu baptises. Noir n'est pas une insulte. M'appelle pas black, please, tu baptises. Noir n'est pas une insulte. M'appelle pas black, please, tu baptises. Les tapis, annihile racisme, garde la crise. On passe à la deuxième partie de notre entretien avec EDS, rappeur martiniquais, qui cette fois-ci va nous présenter son premier album solo, La caresse d'une feuille de canne. Originale version. Crois-tu qu'on parle d'esclavage pour faire style? Qu'on aime être en marge ou qu'on sait pas être commercial? Ou qu'on débarque dans ce paysage musical sans avoir fait d'escale? Ou qu'on ne fait que calquer l'américain ou le Jamaican style? Penses-tu que les rap pètent mais que notre accent s'y prête mal? Que le créole est une langue laide? Que seul l'anglais tue sans être capté? Ou penses-tu tout au contraire qu'on se perd à chanter ce truc en français? Qu'on traîne dans de lacunes en lettres modernes? Qu'on ternit la langue de Molière? Crois-tu que c'est à l'Afrique que se résument nos racines ancestrales? Pire à la suite de cette phrase, crois-tu que je l'arnie abdi quand dans cet état de crise où l'État pense rétablir le respect de l'histoire sans le détail du crime? Penses-tu que ma mixtape est gratuite? Ma petite, tu penses très mal satisfaite, c'est pas dit, mais si j'ai pas 10 pièces, t'as pas 10 que t'as. Tandis que d'antillais aime se tourner en spectacle. Bon, on ne t'a pas menti, je pense un quart. J'suis dans ce cas comme tant de gars qui se lancent et se cassent. Les dents vont se clasher entre bagues, l'écran est large, mais en tête d'affiche, on t'efface dans les consécrations. Tu tentes de passer, on te casse les jambes, te cache tes chances. Originale version. Tu as intitulé ton album La caresse d'une feuille de canne. C'est une image très forte qui évoque l'habitation, les plantations de canne à sucre. Pourquoi il t'est paru indispensable de puiser dans cette imagerie-là pour présenter ton premier album solo? Ben écoute, c'est une image qui m'est venue il y a très longtemps en fait, si tu veux, même avant de faire l'album Chimin Chien de mon groupe Scud Squad. J'ai eu cette image et je m'étais dit que ce serait le nom de mon album solo que je ferais plus tard, donc on est 10 années plus tard. À la base, c'était surtout pour décrire ma personnalité, mon style, en fait, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui, lorsqu'il parle, peut être parfois assez tranchant, mais en tout cas, voilà, une image un peu de calme, pas de faux calme, mais voilà, de calme qui cache quelque chose derrière. Et c'était aussi pour trancher avec une époque où être hardcore dans le rap, c'était souvent c'était devenu faire du bruit. Et c'était quelque chose, faire du bruit ou jouer les méchants, et c'est quelque chose qui avait été complètement récupéré pour devenir inoffensif. Et moi, je voulais réfléchir à l'impact des mots, comment avoir un impact, et donc tout ce rapport à la feuille de canne qui coupe. Et par la suite, quand tu parles d'habitation, de plantation, c'est vrai que ça s'est étendu, c'est-à-dire que j'ai eu toute une réflexion autour du champ de canne qui est ce qu'on cherche à fuir, hein, comme on dit, pour pas mettre de chamaïnou, café tibon, sortir de la canne, la mobilité sociale, accéder à plus, et je pense que c'est un moteur important dans notre culture. Et moi, en tant que fils de fonctionnaire, d'enseignant, c'est assez symptomatique, puisque je n'ai jamais connu le travail de la canne, et en même temps, ce travail de la canne est constitutif, on va dire, est central dans ma culture martiniquaise et antillaise. Ce qui frappe dans cet album, c'est la diversité des sonorités qui, malgré tout, rend l'ensemble cohérent, grâce notamment aux thèmes abordés. L'œuvre s'écoute comme un récit en plusieurs chapitres accompagné de sa bande originale. On constate une place de choix à la musique live, tout en ne reniant pas le beatmaking hip-hop. Quels ont été tes critères quant au choix des compositions de La caresse d'une feuille de canne et des musiciens? Peux-tu nous parler de ceux qui sont intervenus sur l'album? Oui, donc pour cet album-là, c'est vrai que j'avais une grosse ambition musicale avec tout le travail que j'avais déjà pu faire autour du hip-hop créole. Bizarrement, même si j'aime beaucoup les albums de hip-hop avec un seul beatmaker, une seule personne à la réalisation, etc. Moi, j'ai beaucoup de compositeurs et de musiciens différents sur l'album, mais je pense que quand même, j'ai gardé un rôle de réalisateur, on va dire, qui fait que je mélange parfois plusieurs compositeurs sur un même titre, parfois sans que ce soit eux qui aient directement collaboré, mais moi qui les ai mis, qui ai mélangé leurs apports, en fait, pour essayer de trouver une sauce qui me parle. C'est vrai que je voulais des instruments, c'est vrai que je voulais garder les boucles, les samples du hip-hop. Je voulais aussi du tambour, en particulier le tambour belay, donc qui est géré par Boris Reine-Adélaïde sur les trois quarts pratiquement de l'album, où on l'entend quelque part. Donc voilà, c'est tout un travail, et en fait, sur chaque morceau, tu as souvent des compositeurs différents, et je voulais que, comme tu parlais, toi, que c'est plusieurs chapitres d'un même récit. Mais écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça, parce que c'est comme ça que j'ai imaginé. J'ai voulu partir des textes, et pour chaque texte, essayer d'atteindre le plein potentiel du morceau, et en allant vers les compositeurs qui collaient le plus. Je pense par exemple à un morceau comme Statu Quo, qui arrivait un peu par accident avec La Gâchette, qui faisait un concept de concert à domicile flexence, et qui m'avait fait ce beatbox sur lequel on était parti. Et suite à ça, je suis allé voir Manuel Mondésir pour qu'il rajoute la guitare, pour qu'il rajoute un peu de programmation. Après, sur l'intro, il y a le beat qui rentre. En fait, on a La Gâchette, on a collaboré avec Akuji, qui a fait la fin du morceau. À la toute fin, on entend deux notes de tambour de Boris, donc je pense que c'est un bon exemple où effectivement on réunit plusieurs énergies. Et puis il y a aussi des morceaux où j'ai simplement gardé l'instrumental proposé par le beatmaker. C'est le cas de Second Rôle avec Cacophonie Beatmeka, c'est le cas de Métis avec Pure Pro, qui est aussi un son intéressant où j'avais déjà le texte que j'avais posé sur un autre instru. J'ai dit à Pure Pro, ouais, mais je voulais quelque chose de plus original, de différent. Et lui a sorti, voilà, un instru assez surprenant où il va sampler des voix, je crois, de musique éthiopienne, Et il m'a proposé ça, il pensait pas que j'allais accrocher, en fait ça collait exactement à mon esprit, qui, donc voilà, essayait de toujours mélanger tous ces aspects, d'allier tradition, modernité, d'allier hip-hop et musique caribéenne, et donc voilà, c'est un énorme mélange, et bon, bah, tant mieux si j'arrive à garder une cohérence. Et je rajoute, ouais, pour les compositeurs sur l'album, que j'ai aussi fait un travail très intéressant avec Thomas Bellon à la batterie, Boris Reine-Adélaïde au tambour belay, Dana Mozig à la basse, où on s'est vraiment réunis à trois pour essayer de créer des beats de hip-hop martiniquais, en fait, de vraiment trouver une sauce assez inédite. Et ça a donné les morceaux AOC, Bouteille Womb, et Ichmoin qui est basé sur un grand belay. Et voilà, AOC, Bouteille Womb aussi assez, on va dire expérimentaux, en tout cas, bon, des choses qui n'étaient pas encore vues. On a vraiment voulu partir du beat cette fois pour créer la musique. Et sur Bouteille Womb, il y a aussi Nishambabwa Lab pour apporter aussi les samples. Et donc voilà, après sur l'album, il y a Siam Lee, Manuel Mondésir. Il y a Boogie Fla, le Met Belle Hip Hop, je sais plus qui j'ai pas cité, il y a Kum Lao et Dana Mozig qui ont composé la lumière, et voilà, on va dire pour l'essentiel. Si je ne parlais créole, ni à la maison, ni sur les bancs de l'école, ni à mes potes, sauf tout ce qui était marrant et interdit, comme injurier les mamans. Et j'ai vite capté les codes de la réussite, selon les parents, quand ma tante m'a dit de pas faire l'étonner. Qu'à part l'optique d'un avenir agricole, je fais mieux d'apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, même allemand. Pourquoi rester petit si t'as l'étoffe? Mais juger est vite, comme dire qui a raison, qui avait tort. T'as pas connu l'enfance de mes grands-parents, ni les conditions de vie à l'époque, qui m'ont conduit comme tant d'autres petits à renier ma langue jusqu'à Daddy, Harry et Don. Que la musique ne change de côté où je rangeais mon fusil à l'épaule. Et la langue sur laquelle je ne tarie des loges, je l'ai apprise en rappant. Nous cadez pas les créoles. Il y a un morceau où tu parles de ton rapport au créole, mais interprété dans la langue de Molière, ce qui peut être perçu comme une contradiction, même si le dernier couplet est en créole. Pourquoi ce parti pris d'avoir un album presque intégralement en français ? Oui, alors c'est une question importante. Comme tu dis, tu parles de contradiction. Pour moi, il n'y a pas forcément de contradiction, parce que comme je dis dans le texte, petit, je ne parlais créole ni à la maison ni sur les bancs de l'école. Et effectivement, c'est paradoxal de grandir en Martinique et d'avoir un rapport assez distant avec le créole, mais c'est une réalité pour beaucoup de personnes. Je pense pas que ce soit un thème qui a été déjà beaucoup abordé. Je tenais, voilà, à le représenter sans avoir honte, c'est-à-dire, mais voilà, je fais partie d'une, je sais pas, c'est une classe sociale, mais en tout cas une partie de la population qui est non négligeable, qui a pas forcément rejeté le créole dans son éducation, mais qui en tout cas l'a beaucoup ignoré ou l'a cantonné à des rôles, c'était sur le terrain de basket, dans la cour de récréation, souvent pour prendre la blague, pour injurier, mais sans être capable en fait de tenir un discours en créole. Et donc voilà, je voulais l'assumer. Et effectivement, je l'ai dit en français. Donc plus largement, c'est vrai que il y a que trois morceaux en créole sur les 12 de l'album. Mais c'est parce que ben, il faut savoir que c'est un album que j'ai commencé il y a près de 15 ans en fait. Le premier texte VO, je l'ai fait quand je suis arrivé en France, donc après le lycée, quand je suis arrivé à Paris. Et ce sont des textes parfois que j'ai gardés de côté, qui n'ont pas été pris sur certains projets, mais auxquels je tenais beaucoup. Donc c'est le cas de VO, c'est le cas de La Lumière. Voilà, c'est des textes que j'avais de côté. À la base, La Caresse d'une Feuille de Calme, je te parlais de cette impression, de ce sentiment de calme. C'est vrai que je voulais avoir un album entier très posé, qui laissait beaucoup de place aux textes. J'ai conscience que j'ai des textes très denses. Et voilà, c'est ça aussi ce travail autour de la musique. Comment faire respirer le texte, faire en sorte que ça reste totalement musical, même s'il y a parfois un aspect littéraire, hein, puisque bon, c'est aussi pour ça que j'en ai fait un recueil de textes. Mais je voulais que la musique respire, et pour moi, vu la densité des textes que je pouvais dire, donc c'était des morceaux très calmes. Il se trouve que là, très rapidement, c'était beaucoup de textes en français. Et comme je l'ai fait voilà, en France, je voulais aussi que ce soit un album où je m'adresse aux Français. C'est-à-dire, je dirais pas au nom des Martiniquais ou des Antillais, puisque ça reste en mon nom propre, mais en tout cas, voilà, une voix martiniquaise qui aborde des sujets qui concernent tout le monde, et qu'ils abordent peut-être différemment, ou en tout cas avec un angle qui n'est pas cliché. Je voulais aussi qu'il soit compris par le maximum. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis rentré aux Antilles, j'habite en Guadeloupe. Mais il n'empêche, je pense que même ici en Guadeloupe, et peut-être que j'aurai l'occasion de jouer en France, ce sont des choses qui méritent d'être entendues, en tout cas. Et donc voilà, c'était pour ça. Et je précise que pour les morceaux en créole, je voulais aussi qu'ils soient assez particuliers dans l'écriture, la façon d'écrire. Donc c'est Belchivé, c'est AOC et Bouteille Womb. Et je pense que si on regarde aussi l'écriture en créole sur cet album-là, et pensé très différemment des textes en français. Et il y a aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, c'était aussi l'idée de faire quelque chose de différent par rapport à mes projets précédents, puisque avec Scud Squad, on était principalement en créole, et avec Lâché Chivé, sur l'album Lâché Chivé, presque exclusivement, j'écrivais exclusivement en créole, donc j'ai beaucoup développé le rap en créole, et alors que j'ai quand même commencé à rapper en français, et donc je voulais aussi marquer le coup avant certainement de revenir plus vers le créole. Ton album n'est pas seulement de la musique, mais aussi un livre illustré en photo et en texte. Peu d'artistes en Martinique ont cette démarche, encore moins dans les musiques dites actuelles. Pourquoi, selon toi, les artistes martiniquais notamment ne partagent pas cette volonté d'ajouter ce type de plus-value à leur musique, ou même d'innover dans leur façon de la vendre ? Ben écoute, je ne sais pas. Il faut quand même voir qu'on est quand même à l'heure où le support physique meurt ou est mort, est déjà mort, et donc je pense que de plus en plus d'artistes vont s'oriente vers une musique totalement numérique, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, puisqu'aujourd'hui, je prends le cas du CD, les gens n'ont même plus de quoi lire un CD sur leur ordinateur ou même dans leur voiture, donc par obligation, il faut changer, donc voilà, il y a la mutation dans la façon d'écouter la musique. Moi, j'ai fait le choix de proposer un objet physique de plus grande qualité, on va dire, en tout cas, ou peut-être même qui se positionne un peu différemment, puisqu'on n'est plus sur le CD tout seul, on est sur un livre-album, donc c'est d'abord un recueil de textes, photos, couleurs, de 40 pages, dans un format plus différent, de 21 cm, donc voilà, qui est un vrai livre, hein, que je présente comme un livre, et qui va d'ailleurs sortir en librairie, en Guadeloupe et en Martinique. Donc c'est un pari, c'est simplement parce que moi je suis attaché au support physique, hein, j'aime avoir la pochette, j'aime avoir le visuel qui accompagne la musique, et donc j'ai voulu proposer ce projet-là, et c'est aussi une façon, je pense, de toucher peut-être un public différent, puisque bon, j'estime que pour le hip-hop antillais, il n'y a pas vraiment de public, en tout cas pour ce hip-hop antillais qui n'est pas dans la trappe actuelle qui n'est pas de la même génération que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Il faut aller chercher des gens qui sont prêts à écouter autre chose, qui peut-être n'aiment pas le rap en fait, ou qui croient ne pas aimer le rap parce qu'ils le connaissent très mal, mais qui peuvent y accéder par le biais du texte, par la lecture du texte, qui peuvent y accéder par l'imagerie qui est développée autour, donc tout ce travail autour de la caresse d'une feuille de canne, et qui vont aussi finalement y accéder par la musique, même si de prime abord ils veulent pas se mouiller, mais c'est pour ça qu'il y a tout ce travail musical qui est fait sur l'album. C'est vraiment dans l'idée d'avoir un projet qui a plusieurs entrées, et vraiment aussi plusieurs façons pour moi de le présenter au public. Après voilà, d'autres artistes ont des démarches, je pense, assez innovantes, hein, même dans du tout numérique. Mais si je prends ce cas-là, voilà, du livre qui accompagne l'album, il y a quand même Timalo en Guadeloupe, donc bon, qui pour le coup est un vrai auteur, qui a, je pense, un peu ouvert cette voie-là. En tout cas, c'est lui que j'ai pu voir faire ça. Et Simone Lagrand de Martinique. Qui d'ailleurs signe la préface de mon livre, a aussi eu ce travail de... Mais voilà, cette fois, plus particulièrement en tant qu'auteur, mais moi, ce sont des démarches qui m'inspirent, et comme ça, là, je n'en vois pas d'autres, mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui cherchent. Je pense à un collègue, un camarade très actif, hein, qui a fait beaucoup de choses, s'appelle La Gâchette. Donc après, ce sont peut-être pas... les plus connus du très grand public, mais à l'époque où il avait fait son projet Extable, voilà, il réfléchit toujours à des façons originales de présenter notre musique au public. Je parlais de son projet Flexence, où il allait en concert à domicile chez l'habitant. Voilà, je pense que pour notre musique, pour nos musiques, ce qu'on fait, qui ne correspond à aucune case existante, qui n'est pas amené à être matraqué à la radio, il faut trouver d'autres biais, et voilà, moi je tente le coup, comme ça, on se jette à l'eau, on verra si on se ramasse ou si ça parle aux gens. En tout cas, l'objet, pour l'instant, convainc, je pense, tous ceux qui l'ont eu entre les mains, même avant de pouvoir entendre la musique, et c'est ça l'idée, parce que je pense que rien que l'ambiance du livre te met dans un état d'esprit plus propice à l'appréciation de l'album et du projet dans son ensemble. En l'espace de 10 ans, on peut dire que tu as été l'un des plus productifs dans le milieu hip-hop créole. Entre l'album de Skut Squad, Chimé un chien, l'album du collectif Lâche et Chivé, les ateliers du même nom qui ont été déclinés en EP, ton propre EP, exercice de style, et aujourd'hui ton album, La caresse d'une feuille de canne, et sans compter les featuring, les singles. Quelles seraient les prochaines étapes pour ta carrière ? Ben écoute, les prochaines étapes, c'est d'abord de présenter ce projet, La caresse d'une feuille de canne, au public. En fait, c'est un projet que j'ai, comme je disais tout à l'heure, que j'ai fait vraiment sur la longueur. C'est des textes que j'ai écrits pendant que j'écrivais pour d'autres projets depuis des années, qui ont été écrits, je pense, sur une longueur de 15 années, qui correspondent vraiment à ce que j'avais à dire pour un Martiniquais qui a fait la moitié de sa vie en Martinique, l'autre moitié à Paris, et qui a toute sa vie d'adulte, qui est passé d'adolescent à adulte en France, avec toutes les réflexions, toute la perception que ça peut donner sur le pays, la Martinique, les Antilles, et aussi sur la France, le monde, etc. Donc c'est ce témoignage-là que j'espère pouvoir défendre pendant des années. Je ne me suis pas précipité pour le sortir, parce que j'estime que dans 3 ans, dans 4 ans, etc., ce sera toujours pertinent. J'espère pouvoir l'amener sur des scènes différentes, que ce soit des festivals intéressants ou même des petites scènes partagées, voilà, sur la longueur, tout en proposant d'autres projets à côté. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense par exemple à... J'ai un projet avec La Gâchette qui arrive cet été, sur lequel on a travaillé à Paris, et qui est bientôt prêt, qu'on espère présenter cet été en Guadeloupe. Donc il y aura certainement une ou plusieurs scènes, j'espère, hein, voire pour présenter ce projet avec La Gâchette. J'ai sorti cette année un single qui s'appelle Blow, sur le calendar rhythm de Boris Reine-Adélaïde, donc qui est un rhythm qui mélange dancehall et belay, et sur lequel je rappe. qui a eu un où j'ai eu vraiment de très bons retours pour un thème un peu freestyle. Les gens ont vraiment apprécié. Je pense que je parlais de ce témoignage de Martiniquais qui a vécu en France, qui sort un certain nombre d'idées de textes en français avec cette perspective là. Mais maintenant que j'habite en Guadeloupe, je me rends compte que je vais vraiment m'orienter vers sur cette autre perspective qui est du rappeur qui est de l'artiste qui est sur place, qui a 37 ans aujourd'hui et qui a beaucoup de choses à dire sur la musique et sur le pays en général. Et sans m'avancer, il y a aussi tout un travail avec Boris Reine-Adélaïde, qui est percussionniste de très grand talent autour du tambour belay et qui aussi fait des riddims. Donc mon pays pas les trop avant d'autres moon vini batcher un lay avant moi, mais il y a des choses qui vont sortir de ce côté-là. Tout à l'heure, on parlait d'images. Quels seraient les titres phares de l'album que tu aimerais voir en clip? Ça, c'est une sacrée prise de tête, en fait. La façon dont j'ai conçu l'album, La caresse d'une feuille de canne, c'était vraiment 12 titres que je voulais qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire qu'on puisse prendre chaque titre tout seul pour ce qu'il est, que je puisse présenter chaque titre pratiquement comme, je dirais pas un single, mais un morceau qui représente tout le reste de l'album d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai pas les moyens de Beyoncé ou de Jay-Z pour faire un visuel pour chaque morceau. J'ai voulu contourner ce petit truc-là avec la photographie. Donc, d'ailleurs, je salue Lionel Chamoiseau, le photographe qui est derrière la photo. J'ai Florence Baudin, qui est le modèle qui apparaît sur les photos. Et les photos ont été réalisées par Johanna Camboferli et Sylvia Berthier. Donc je salue toute cette équipe-là, parce qu'il y a un gros travail au niveau du visuel. Et Sidney Quanon qui signe tout l'artwork du livre. Donc voilà, il y avait d'abord ce travail visuel autour de la photo, et c'est vrai qu'il faudrait prolonger avec le clip. On va parler très franchement, le clip aujourd'hui, c'est un gros sujet dans un budget, ça coûte très cher, les retours sont pas forcément toujours pertinent pour une musique qui n'est pas virale, qui ne va pas monter à 100 000 ou 1 million de vues, pas du tout. Mais j'aimerais pouvoir en faire quand même toujours un prolongement de la vision artistique. Donc on réfléchit à des morceaux. Il y a Feuille de canne qui est vraisemblablement le premier single, c'est vraiment des gros mots quand on parle à notre échelle. Et puis il y a d'autres morceaux que j'aimerais développer comme Des Palais Créoles. Mais en vrai, ça peut tomber sur beaucoup de morceaux et pour l'instant, il n'y a rien. Donc quand ça viendra, on n'est pas pareil, on n'est pas pressé, ça viendra en son temps. La vie a pas qu'à balle ou t'en poupède. Fan tête ou qu'on y ait calbasse ou qu'on ait qu'à battre tambour raide. Pour faire son nain, fait jaillir de l'eau soleil. Adam coco sec, c'est pas bagaille bouc faible. Non, c'est bagaille pou, ouais, de l'eau salée en cocosier ou joint nanti la pli sicré, la ka fifine a dans tout ciel, la ka touxi en gouffiel, la ka bouffi ou en tout gel. Fais offrir son nain, fais la ligne, prends en suivant les étoiles, mené ouais, d'où vent joue, rejoint soleil midi, ni mêlant nuit en mi-temps joue. Tant de vent sifflé dans tige bambou, pour l'univers rime un homme li a sous musique l'amour, ka joué depuis siècle, ex siècle sans nous tendre li. Il j'allais pour nom et zanni, mauvin et zanmi, avant tout cochon ni samedi yo. Réuni petit et grand moun, avant la natif et nom pâti à dans grand poum, qu'a détruit toute calte cité nom bâti. Et rend nom soud, mais fok feyton. Nom soud, mais fok feyton. Les coups de tonnet, les toutes collées, la natif pas arrivé fait moun connaître peut-être anti douce qui feyton. Tant, prends y calens pour feyton. Tant caresse en feuille, quand. Thank you. Pourquoi veux-tu que je décompresse? Je ne compresse pas. Le rap bouffe toutes mes forces, ne laisse que peu de place pour le reste. Et si mon chef me donne du taf, je ne me presse pas, ni ne me stresse. Reste assez de time avant la tête. Et là il faut une sieste, tu veux me changer? N'essaie même pas, tes dents ne sont pas faites de cette émarie. Tu t'y casserais plus qu'une canine, c'est triste à dire. Mais je ne progresse pas et je m'engraisse. La traîne pour un ex-sportif, ça c'est 1 pour la pâte et 2 pour la bouffe, 3 pour acheter de matos pour produire mon fond de catalogue. Comme ça le jour de la traîne, je me réécoute de l'intégrale, histoire de goûter à la caresse d'une. Mais si un loup feuille de canne, la caresse d'une feuille de canne. Feuille de canne, la caresse d'une feuille de canne. Pour un senti passé à sous pour moi, caresse il est ses traces. Caresse lui c'est seul message. Feuille de canne, la caresse d'une feuille de canne. Fake un, ouais c'est un fake un. Les ouais qui ça qui caresse l'eau. Moi j'en ai marre de ces textes qui ne te parlent que de femmes, de façon sale ou bête, à base de 16 barres jetables. Ce tas de niaiseries que l'on bombarde me gave, et le plaisir que tant de monde a à son contact me navre. Moi je n'ai pas de compte à rendre à ceux qui me parlent de mon talent. Si tu te cales sur le bat, moi mieux que moi, faut que tu te calmes. Bonne EDS, moins de beurre que de mal. Tu as goûté à la caresse d'une feuille de canne. J'écris mon album au calme, pose à l'occasion, et en live n'économise guère mes cordes vocales. Y'a personne qui fait mes bacs, j'ai trop de textes, il n'est pas rare, moi-même je ne sache plus lequel je déballe. Vous les voyez que du rap local, ce n'est pas trop grave. J'ai l'habitude de ne pas faire le programme. Je rappelle que j'ai grandi en zone coloniale. Moins de peur que de mal, tu as goûté à la caresse d'une feuille de canne. En Ouaï, maman de feuille de canne. La caresse d'une. Merci, merci en loup, feuille de canne. La caresse d'une. Moi senti passer à sous pour moi. Caresse mille et ses traces. Caresse lui c'est seul message. Feuille de canne, la caresse d'une feuille de canne. Mon dieu, fake un, ouais c'est un fake un. Les ouais qui ça qui caresse l'eau. Moi j'en ai marre de ces textes qui ne te parlent que de gros bras, de dollars et de beaux draps. Et qui s'autocongratulent pour une signature de contrat. N'avoir en 2015 que niveau drap, à peine potable. Avec tout le matos qu'on a, t'imagines pas comme c'est lamentable. Et sur ma pochette il n'y aura pas d'accord parental. Si vous visez les fans de Chantal Goya, ce n'est pas mon cas. Moins de peur que de mal, tu as goûté à la caresse d'une feuille de canne qui te caresse le crâne, te crame la carne et ne t'en laisse que le quart. Tu pensais carte postale ou postcard, fais ça te regarde. Mais ne confonds pas la canne et la feuille de palmier. Le temps que le beat se recale et je veux te calmer. Mais t'égales que tu n'en retiennes que les cailles. Et au final, toujours moins de peur que de mal. Et tu as goûté à la caresse d'une Hanouaille. Feuille de canne, la caresse d'une. Feuille de canne, mon dieu, la caresse d'une feuille de canne. Moi senti passer à sous pour moi, caresse lui laisser trace. Caresse lui c'est seul message. Feuille de canne, la caresse d'une feuille de canne. Fake un, ouais c'est un fake un. Les ouais qui saillent, caresse lui, ouais c'est un fake un. Merci, merci beaucoup. Le 13 avril dernier a été prévu un gros événement pour la première présentation officielle de ton album. Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé, quels musiciens étaient présents et comment le public a reçu cette version live de La Caresse d'une feuille de canne? En fait, la date du 13 avril, c'était assez important pour moi, puisque c'était une façon de sauter à l'eau, en fait. C'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai déjà eu l'occasion de faire certains morceaux sur scène, mais je n'avais pas encore pu organiser un vrai premier concert où je fais uniquement le répertoire de cet album-là. Et donc tester aussi ce répertoire sur le public. Alors certains connaissaient déjà l'album, parce qu'il y avait, c'était notamment pour inviter les contributeurs de ma campagne de financement. Donc il y avait une partie qui connaissait déjà l'album, mais quand même beaucoup qui venaient un peu par curiosité, qui ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Et même d'ailleurs pour ceux qui avaient déjà l'album, je pense que ça... C'était vraiment l'occasion de créer une certaine atmosphère, de recréer sur scène l'atmosphère particulière qu'a l'album La Caresse d'une feuille de canne. Je pense que c'est, ça me permet aussi, même moi, je, c'est avec ces retours, les retours des gens, que je réalise que c'est un projet très particulier qui amène les gens dans une certaine atmosphère, une certaine réflexion autour des sujets mais qui sont développés sur l'album. Et qui et en même temps, j'ai eu ce retour, donc voilà, des personnes qui étaient là, qui sentent que c'est un projet très personnel, très honnête, sincère. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai eu. Alors sur scène avec moi, il y avait à la guitare Kevin Torres, à la batterie et aux percussions Julianis Negrit, et à la basse Claudie Clamy-Edroux. Donc ils m'ont accompagné, donc c'était une formation 100% instrumentale qui diffère en fait un peu de, enfin qui diffère de l'album, hein, où sur l'album j'ai à la fois cet apport instrumental mais aussi l'apport programmation et composition électronique auquel je tiens particulièrement, mais sur scène voilà, c'est une version plus on va dire dépouillé, même s'il y a trois musiciens, plus dépouillé que sur l'album, qui permet aussi de mettre plus en avant les textes. Et voilà, les textes prennent beaucoup de place dans ma musique, et il fallait que les gens puissent, à une première écoute d'un morceau sur scène, comprendre où je ce que je veux dire et où je vais. Voilà, et comment ça s'est déroulé, mais en fait, voilà, c'était vraiment l'idée de créer un moment convivial. Ça se passait l'après-midi, c'était un samedi après-midi, dans un jardin à Jarry, en Guadeloupe. Et les gens étaient là, enfin une atmosphère même assez familiale. Hein. Et puisque mes contributeurs, il y en a de tous les âges. Et puis dans ceux qui sont venus, il y en a qui sont certes venus avec leurs enfants. Donc voilà, c'était un peu ça l'ambiance. Et à profiter, voilà, tranquillement dans un jardin. Pour fêter en fait la sortie de tout simplement l'arrivée, la sortie de l'album, qui est maintenant disponible en librairie en Martinique et en Guadeloupe, pour l'instant à la librairie antillaise et à la boutique de la presse en Guadeloupe, et donc librairie antillaise en Martinique. Et c'était pour fêter ce moment-là, et j'espère que ce n'est que le coup d'envoi du travail scénique autour de l'album, puisque voilà. À part des médias comme Lambi Music Jeudi, je pense que l'accès aux médias restera compliqué. En tout cas, je ne serai pas matraqué toute la journée sur les radios. Et donc, il faut que j'aille au contact du public sur la scène, que ce soit des petites scènes, que ce soit voilà, des showcases en magasin, en librairie. Voilà, on commence à chercher autour de ces pistes-là. Et voilà, ce n'est que le coup d'envoi, en tout cas, je l'espère. Nous arrivons à la fin de notre entretien. EDS, quel dernier mot aurais-tu à dire à nos auditeurs ? Bah écoute, mon dernier mot, c'est merci à toi, La Voix, pour l'occasion, voilà, de parler dans cette émission qui est la nôtre, mais bon, c'est toujours un exercice particulier. Mon message, en fait, sera pas très différent de ce que je peux dire quand je suis moi-même du côté de l'animateur, qui est de dire qu'il faut absolument s'ouvrir, chercher, fouiller, être curieux de ce qui se fait en musique actuelle en Martinique, en Guadeloupe. À mon concert justement, le 13 avril, j'ai mis en warm-up et aussi après le concert, j'ai mis une grosse sélection de chansons qu'on avait mis dans les différentes playlists de l'émission Code Lambi Musique Jeudi, et j'ai eu énormément de retours de gens surpris qui voulaient savoir qu'est-ce que c'était, quelle était cette musique, quels étaient ces artistes. Et voilà, je pense que c'est ça que je voulais représenter, avoir ce côté Musique Jeudi dans le cadre même du concert. Je me rends compte que c'est des musiques qui ne demandent qu'à être entendues par un plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a accès à tous les sons qu'on vous joue. Hein, il y en a eu avant l'interview dans cette émission même. Ce sont des sons qu'on peut trouver pour peu qu'on se renseigne un peu, qu'on s'abonne aux pages des artistes sur les réseaux sociaux. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de relais et c'est un travail qu'on ne fait pas suffisamment. Et voilà, donc je prêche aussi pour ma paroisse puisque mon album La Caresse d'une Feuille de Canne, c'est aussi comme ça que j'espère pouvoir le développer. C'est aussi avec la curiosité de vous, public. Voilà, nous venons d'écouter le rappeur martiniquais EDS. EDS et son album livre La caresse d'une feuille de canne, que vous pouvez retrouver un peu partout, notamment en Guadeloupe et en Martinique, et aussi sur internet, sur la page Bandcamp de l'artiste. Nous vous invitons à aller chercher sur les moteurs de recherche EDS, plus loin MUSIQ. Et pour nous, nous vous disons à la prochaine édition pour la dernière de la saison. Et oui, ça passe très vite. Nous sommes très contents d'avoir pu partager avec vous cette 50e édition de Colnambi Musique Jeudi. Un panorama des musiques actuelles de la Caraïbe, francophone et créolophone. On vous dit à très bientôt sur Colnambi, comme chaque dimanche à partir de 16h. Et pour Colnambi Musique Jeudi, tous les premiers dimanches du mois. Caresse-lui ses traces, ta bise m'a fait bouillir. Caresse-lui ses selles.